Chapitre 42. Comparaison entre l'aura et la ionosphère. Qu'est-ce que l'aura ? L'aura, l'aura pas. L'aura est une espèce de couche énergétique qui est autour de notre corps et qui va, comment dirais-je, structurer le corps énergétique de notre corps. C'est-à-dire qu'il y a un corps physique, hein, nous avons des organes, la peau, le sang, les os, et puis il y a tout le corps énergétique. Et ce corps énergétique, dont le corps physique fait partie, ne se limite pas au corps physique. Il va bien au-delà du corps physique. La première couche qu'on appelle la couche éthérique est une couche d'environ 20 cm, 10 cm, ça dépend des gens. L'aura la plus classique dont on parle, elle, est un œuf, on va dire, une forme ovoïde d'environ 2 mètres. C'est-à-dire, c'est comme un œuf de, oui, je veux dire, 2,50 m en gros de grand, peut-être 3 mètres maximum. Voilà, 3 mètres de hauteur, et l'être humain est à l'intérieur de celui-ci. Ça, c'est l'aura le plus classique. Mais il y a d'autres couches d'aura, des auras plus subtiles, et qui sont plus grands, qui vont de 30 mètres, et qui ensuite vont à 300 mètres, qui vont à des kilomètres. Il y a une aura qui touche directement la planète entière, et enfin, une aura qui est l'aura atmique, on va dire, c'est-à-dire le corps de Dieu et qui est de la grandeur du cosmos. Selon ce que je vis, ce que je mange, je ne parle pas tellement de nourriture physique, je parle de nourriture spirituelle, selon mes actions, selon mes pensées, selon mes peurs, selon mes craintes, je vais stimuler telle ou telle partie de l'aura. Une aura n'est pas forcément quelque chose de négatif ou de positif, c'est quelque chose de un peu comme un égrégore, une concentration d'énergie particulière. Quand on a une concentration à un niveau proche de nous très forte, les choses ne peuvent pas nous toucher parce que nous avons un champ énergétique si puissant que une chose négative, une pensée négative, une vibration négative ne nous touche pas. Moi, je connais des gens de la FBU, de la Fraternité Blanche Universelle, qui sont tellement traumatisés et tellement faibles qu'ils déclarent ne pas pouvoir prendre le métro parce que ça les démagnétise et ils se retrouvent au milieu de gens qui ont une aura négative. Donc, ça veut dire que ces gens-là déclarent qu'après avoir travaillé des années, médité des années, avoir fait le lever de soleil, et ainsi de suite, ben le pauvre pecno du coin qui a une aura négative parce qu'il est un peu alcoolo et un peu obsédé, est plus puissant que l'aura d'une personne qui a travaillé la pureté pendant des années. Et qu'au lieu que l'aura de pureté envahisse l'aura d'impureté de l'autre, c'est le contraire qui va se passer. Donc ces gens déclarent déjà que leur aura est inexistant, est très faible. Ils déclarent aussi que leur aura est très en diapason, en vibration commune, avec une aura négative. Parce que si on veut être bien clair, si l'aura, c'est un aura, une aura. L'aura, oui, l'aura est forte. Oui, donc c'est l'aura, si l'aura féminine, donc si l'aura est puissante, cette vibration particulière, toutes les vibrations négatives qui vont arriver, c'est un peu comme ce qui se passe sur notre planète. Il y a là des météorites qui arrivent et qui sont totalement brûlées par notre couche de ionosphère, d'oxygène, et qui fait que la plupart des satellites, des météorites, n'arrivent même pas sur la planète. Ils sont brûlés, détruits. Eh bien, l'aura va être exactement la même chose. Cette aura va être tellement puissante que les météorites négatifs des gens autour de nous vont être consumés avant de pouvoir arriver dans notre corps physique. Si au contraire on est touché négativement, on est troublé par une pensée, par une attitude, par un stress, alors cela veut dire que notre bulle d'énergie, notre ionosphère, est extrêmement faible. Nous sommes alors, si on nous compare à une planète comme la planète Terre, on est un peu comme la Lune, c'est-à-dire que tout arrive directement sur la planète. Il n'y a pas de protection, il n'y a aucune protection, et tout météorite qui arrive, tout détritus qui arrive, arrive directement sur la planète et s'échoue sur la planète. Et la planète est couverte de cratères et de cicatrices de tout ce qui peut passer par là et tomber. Or, si on travaille correctement un esprit positif, une énergie de chi puissant, une harmonisation d'énergie parce qu'on est cohérent avec nos idées, eh bien, encore une fois, toutes ces choses qui vont venir de l'extérieur, quelles qu'elles soient, elles vont être brûlées par notre ionosphère. Il est important, par exemple, de voir que les gens de la FBU, la Fraternité Blanche Universelle, sont des gens qui sont extrêmement, extrêmement, extrêmement terrorisés par la sexualité. Eh bien oui, c'est logique, puisque leur maître les a obsédés par rapport à ça en leur interdisant, en disant que c'est mal, et ainsi de suite. Évidemment que ça les travaille énormément. Et comme ça les travaille énormément, la moindre pensée tournée vers le sexe, et Dieu sait s'il y en a dans cette société, puisque tous les gens sont obsédés par ça, eh bien, ça va énormément troubler tous les gens de la fraternité, qui vont vibrer négativement, qui vont vibrer tout court avec toutes les énergies négatives sexuelles qui peuvent exister autour de nous. Et rien que cette haute sensibilité à la sexualité, à la mauvaise sexualité, si je puis dire, prouve que la philosophie de sexualité du maître Amram ou du maître Mikhaïla Ivanov n'est absolument pas correcte. Car enfin, si une personne est lumineuse et en paix et en harmonie avec elle-même, comment voudriez-vous qu'elle puisse être touchée par un météorite négatif de sexualité? Si ce météorite de sexualité peut rentrer dans la ionosphère et pénétrer et s'écraser jusqu'à la planète et créer des cataclysmes, des transformations, des troubles, des problèmes ou des obsessions, c'est simplement parce qu'il n'y a pas de protection de ionosphère à travers l'aura qui devrait être tout-puissante. Donc, quand on comprend cette chose-là et que l'on compare l'aura à cette chose-là, déjà, on peut éclaircir beaucoup de choses. On peut éclaircir beaucoup de choses. L'aura, c'est aussi ce qui va nous permettre d'être en contact avec ce que l'on peut capter, comprendre, sans pour autant se mélanger. Là, je parle des énergies supérieures, c'est-à-dire des énergies angéliques et divines. Si l'on prend encore en comparaison la ionosphère de notre planète, nous sommes en contact avec le cosmos, nous sommes en contact avec l'énergie cosmique, mais cette même énergie cosmique ne pénètre pas sur notre planète. Nous recevons la lumière du soleil, qui est une lumière qui tue. Si on n'est pas protégé, nous sommes en relation avec les lumières de toutes les étoiles qui tuent si on n'est pas protégé, et pour autant, toute cette lumière est positive. Pourquoi? Parce que notre aura terrestre, notre ionosphère, va transformer ces informations et ces connaissances cosmiques supérieures en énergie assimilable, en vie, en essence, en santé, en énergie positive. Donc, l'aura bien structurée n'autorise pas la pollution des météorites, des pensées négatives, obsédées, basses, tordues, peureuses, terrorisées, ainsi de suite. Donc quelqu'un qui travaille sa spiritualité est forte, quelqu'un est puissant, stable, et c'est lui qui enseigne la lumière aux autres et pas lui qui a peur de l'obscurité, ce qui est toujours le cas avec la FBU. Et puis l'aura puissante me permet d'être en contact avec des sphères qui seraient mortelles si je les recevais totalement en moi, mais qui me permet de transformer ces énergies cosmiques en énergie de vie, de conscience, d'illumination. Car enfin, moi, quand je pouvais voir, mon plus grand plaisir était de méditer le soir en me couchant par terre et en regardant les étoiles. Et je me disais, mes yeux me permettent de voir l'infini. Je regarde des milliards d'années-lumière de là. C'est tellement merveilleux, tellement fantastique de penser que je regarde le cosmos. Et depuis que je suis aveugle, une des choses qui me manque le plus, c'est de ne plus pouvoir contempler les étoiles. Parce que c'est un très grand plaisir d'harmonie, de contact avec le cosmos. Eh bien, je veux dire que l'aura, c'est quelque chose comme ça. L'aura, c'est ce qui va vous permettre d'être en contact avec les étoiles, avec le cosmos, avec les anges, avec Dieu. Maintenant, si on compare ce qui se passe sur la planète Terre actuellement, nous sommes en train de détruire notre ionosphère. Et en détruisant cette ionosphère, nous avons par exemple des ondes solaires qui deviennent extrêmement dangereuses. En Australie, par exemple, pour les Européens, ce n'est pas très connu, mais en Australie, vous avez des pommades à peu près partout, dans toutes les toilettes, dans tous les bars, un peu partout, à se mettre sur le visage parce que les cancers de la peau, c'est une maladie extrêmement développée en Australie parce que le soleil est très très puissant. À Malte, il y a une classification du soleil de 1 à 10. Hein, et on dit que si ça va au-dessus de 7, je crois, il ne faut pas aller à la plage parce que le soleil est vraiment trop fort pour votre peau. Et la classification existe depuis fort longtemps, de 0 à 10. Eh bien, aujourd'hui, à Malte, dans l'après-midi, la classification du soleil est à 12. Donc, c'est-à-dire au-delà des niveaux le plus élevé que ce que la science ait pu prévoir dans le passé. Parce que notre aura terrestre s'écroule. Pourquoi est-ce que notre aura terrestre s'écroule? Parce que nous la saturons de pollution. Qu'est-ce que c'est la pollution? Ben, c'est les pensées négatives, c'est l'irresponsabilité, c'est la violence, c'est la guerre, c'est le fait de manger de la viande, parce que manger de la viande, c'est la plus grande pollution qui existe au monde, hein, poisson inclus. Donc là encore, je souris lorsque j'entends qu'à la Fraternité Blanche Universelle, au bon fin, on mange du poisson. Non, végétarien, ça vient du mot végétaux. Voilà, un végétal, donc un poisson, c'est pas un végétal. Moi, j'avais un jardin avant, j'essayais de faire pousser des huîtres et des crevettes, ça marchait pas. Hein. Donc, végétarien, c'est pas avec du poisson, évidemment. Et toute consommation de viande, c'est-à-dire toute consommation qui nous fait passer par un intermédiaire, crée une pollution tellement élevée que notre structure ionosphérique s'écroule de plus en plus. Et que la lumière qui était notre nourriture, notre inspiration devient de plus en plus un poison. On pourrait comparer ça à une espèce de délire mystique. Moi, j'ai connu un monsieur au bon fin qui était persuadé que sa fille était l'incarnation de la lumière et qui ne voulait plus donner à manger à sa fille parce que sa fille mangeait uniquement de la lumière. Comme j'étais là, je me suis positionné, j'ai invité la fille à manger plusieurs fois. La pauvre gamine, j'ai jamais vu une gamine manger autant de pâtes et autant de raviolis, végétariens évidemment, et autant de tout ce qu'elle pouvait avaler. Et puis au bout de quelques jours, le mec, il a dit: ah, je comprends pourquoi vous invitez ma fille. C'est parce que vous lui volez sa lumière pour essayer d'évoluer plus rapidement. Donc je lui ai dit, bon, écoute, ta fille, je la prends. J'étais pas content, on appelle la police, et moi, en tant que psychologue, je fais faire une analyse de ton état psychiatrique, et on va voir si tu peux garder ta fille. Il avait sa fille en garde pendant un mois parce que la maman était partie en vacances. Et le type, il est venu avec des responsables du Bonfin, oui, des responsables du Bonfin qui sont venus me trouver et qui m'ont dit la chose suivante. Ils m'ont dit, voilà, cette fille, c'est une âme immortelle. Je dis, bah oui, tout à fait, c'est une âme immortelle, je suis d'accord avec vous. Donc, elle a choisi son père, elle a choisi sa mère. Et oui, tout à fait. Donc, elle savait ce qu'elle faisait et tu n'as pas à intervenir pour essayer de l'aider. Si elle doit vivre ce qu'elle a à vivre en agonisant, eh bien, c'est son karma, c'est son choix. Et je lui ai dit, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Elle savait ce qu'elle faisait en tant qu'âme immortelle. C'est pour ça qu'elle est venue habiter au Capitou, juste à côté de chez moi, pour que je la protège. Alors maintenant, bande de merdeux, vous allez prendre vos clics et vos claques et vous casser vite fait avant que je vous vide dehors à coups de pied dans le cul. Et évidemment, les responsables du Bonfin, du comité, n'étaient pas contents du tout, du tout, du tout, du tout. Et je me souviens qu'après, j'avais été contacté par le juge des enfants qui m'avait posé des questions. Et comme je suis brave et comme je suis peut-être un peu stupide, j'ai dit au juge des enfants. Non, non, mais le Bonfin ne pouvant rien faire officiellement, ils m'ont missionné pour que moi je fasse quelque chose sans le faire officiellement au nom de la fraternité. Donc j'ai encore été assez gentil pour les protéger parce que le juge des enfants s'intéressait aussi très sérieusement au cas du Bonfin. Eh ben oui. Plus tard, cet homme, il m'a attrapé avec trois ou quatre de ses copains. Et il m'a dit, on va te donner une trempe, on va t'apprendre, tu dois libérer ma fille, ainsi de suite. Et c'était une très mauvaise idée, parce que comme je suis un expert d'arts martiaux, j'ai réussi à me faire comprendre physiquement sans aucun problème, ça a duré à peu près 4-5 secondes, et ils étaient tous en dédoublement astral profond, si vous voyez ce que je veux dire. Mais cet homme-là, il est en contact avec des énergies cosmiques. Alors, je veux dire, c'est pas forcément de mauvaises énergies cosmiques. C'est que son aura est tellement déstructurée, tellement faible, que ce qui devrait être une énergie cosmique de nourriture, d'inspiration et de divinité devient un poison et le mec a ce qu'on appelle un délire mystique. Et le délire mystique va très loin, puisque je me souviens que dans la maison que j'avais au Capitou, il y avait une espèce de petit pont entre ma maison et le couloir pour sortir. Il y avait un espèce de couloir en dessous, là où j'habitais, où il y avait les caves et ainsi de suite. Mais ça faisait quand même un trou de 4 mètres à peu près. Et un jour, le papa était venu pour embrasser sa fille, donc j'essayais quand même de garder un lien, donc j'ai dit oui, je suis là et ainsi de suite. Et il a pris sa fille, il l'a mis au-dessus du pont. Il la tenait dans le vide et il dit, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il était prêt à tuer sa fille parce que Jésus-Christ, Mohamed, Krishna et je ne sais pas trop qui, lui disait que sa fille n'était qu'un être de lumière. C'est le délire mystique total. Parce que il y a une loi de hiérarchie qui existe. Et on peut intensifier son aura. Et quand on intensifie son aura, et là je parle d'intensité, c'est-à-dire de stabilité, de cohérence, alors notre aura devient de plus en plus fort et de plus en plus capable d'assimiler des énergies cosmiques très supérieures, très élevées, on appelle ça des messages, des inspirations, de l'identification, mais dans une cohérence et dans une logique, dans une force physique totale. Moi, j'ai comme référence, par exemple, Mathieu Leboc, qui est un monsieur très inspiré et qui est un monsieur qui mange pratiquement pas et qui a une force physique colossale, une résistance fantastique. J'avais un ami qui s'appelait Yannick Percherencier, qui était un homme fantastique, qui mangeait très peu. C'était un alpiniste qui avait une énergie physique merveilleuse, fantastique. Et ce genre de choses-là nous montre une énergie cohérente qui les permet, qui leur permet d'être extrêmement en contact avec le très élevé, mais extrêmement enraciné et solide. Aujourd'hui, on remplit notre vie personnelle et nous remplissons notre planète personnelle, parce qu'on a qu'elle pour survivre, jusqu'à preuve du contraire, de pollution totale, de violence, de guerre, de trahison, de pensées négatives. Et tout ceci crée une pollution terrible, même purement physique, et une pollution dans l'aura, qui permet à tous ces météorites négatives, toutes ces pollutions négatives et toutes ces énergies positives qui deviennent négatives parce que l'aura est trop faible, de pénétrer et de détruire tout à l'intérieur. C'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer. Alors, la planète Terre, elle est en vibration, on appelle ça les résonances de Schumann, qui sont à 7,83 Hz, c'est-à-dire 1 Hz, c'est un battement par seconde. 7,83, c'est 7 battements 83, on connaissait ça aussi, et en physique, et aussi tout simplement dans la musique. Or, en 2012, il y a deux gigantesques vaisseaux qui ont été filmés par la NASA, même si ensuite ça a été caché, mais on a les photos et les films, qui sont venus auprès du Soleil et qui ont injecté quelque chose dans le Soleil. Qu'est-ce qu'ils ont injecté ? Ben, comme je ne suis pas un extraterrestre, je ne peux pas vous dire précisément ce qu'ils ont injecté. Mais ils ont injecté quelque chose dans le Soleil qui a changé le taux vibratoire du Soleil. Alors, qu'est-ce que ça a comme effet ? L'effet, c'est que la lumière du Soleil a changé depuis 2012. Vous savez, vous aviez cette légende maya, qui est en réalité une légende Olmec, du calendrier Olmec, qui dit qu'en 2012, c'était la fin du monde par le Soleil. Eh bien, ça s'est vraiment passé. Sauf que l'apocalypse prend son temps. C'est pas forcément quelque chose qui arrive comme ça. Vous savez, c'est comme quand vous représentez le déluge. Hein, si on prend la légende du déluge qu'on retrouve un petit peu partout, vous croyez que du jour au lendemain, il y avait 20 mètres de hauteur d'eau. Évidemment que non. Il s'est mis à pleuvoir pas mal, beaucoup, énormément. C'était marécageux, c'était envahi. Et puis ensuite, les gens sont morts, noyés, ainsi de suite. Mais combien de temps ça a pris ? 10 ans, 20 ans, 30 ans de pluie ? Je ne sais pas. Donc là, on est en train de vivre la même chose au niveau du Soleil. Donc la vibration solaire a changé, faite volontairement par les extraterrestres. Annoncée clairement dans les Corp Circles, si vous vous intéressez à ça, et vous savez les lire correctement. Et les résonances de Schumann ont commencé à augmenter. Or, les résonances de Schumann, autant qu'on sache depuis des centaines d'années, elles sont toujours restées exactement au même niveau. Et voilà que maintenant, elles ont commencé à augmenter. Et aujourd'hui, les résonances de Schumann, elles tournent à peu près à 100. Donc, une résonance de Schumann à 100 Hz, aujourd'hui sur notre planète, c'est comme si vous imaginiez que vous avez une température à 60 ou 70 degrés. Vous voyez, normalement 37, 39, 40, je veux bien, mais 41, 42, vous êtes un petit peu mort quand même. Les résonances de Schumann aujourd'hui, terrestres, sont extrêmement élevées. Alors vous allez dire, bah, tant mieux, on va évoluer plus vite. Eh bien oui et non. Oui et non, parce que cela fait partie de la prédiction, la dernière prédiction du maître Peter de Nov, Ben Saduno, qui avait annoncé qu'il y aurait un échange très particulier entre le cosmos et la planète Terre. Alors, pour essayer de bien comprendre, hein, si vous prenez une sphère, vous savez, j'ai oublié comment ça s'appelle, c'est ces sphères électriques qu'on vend en tant que jouets. Quand vous touchez la sphère, vous avez un éclair qui apparaît. Et si vous mettez vos 10 doigts, ben vous avez 10 éclairs. Eh bien, on va dire que les résonances de Schumann, c'est l'énergie cosmique qui rentre dans notre ionosphère Et à chaque fois que cela rentre, ça provoque des éclairs. Ces éclairs résonnent et la Terre vibre comme une cloche. Sauf qu'au niveau mondial, cette résonance, comme l'espace est très stable, ben ça résonnait toujours au même niveau. Sauf que maintenant, grâce à l'intervention des extraterrestres, cette résonance, elle a radicalement, totalement changé. Et cette résonance très élevée, elle a un effet très bénéfique et surtout très négatif. Très bénéfique parce que nous arrivons à un âge industriel extrêmement dangereux. Nous devenons tellement puissants, tellement intelligents, que nous sommes aptes maintenant à envahir d'autres planètes, à détruire, envoyer de la pollution même dans l'espace, et à détruire des choses sur la planète Terre qui supprimeront même toute forme de vie. Donc nous arrivons à un âge d'adulte industriel. Il est temps que nous puissions réagir d'une façon ou d'une autre. Et au lieu, les extraterrestres, d'intervenir et de flotter au-dessus de New York et de Paris et de dire maintenant, vous allez arrêter vos conneries, vous allez vous comporter correctement, ils ont changé la vibration de notre soleil, de notre étoile. Et cette résonance, eh bien, elle va permettre aux gens d'être plus en contact avec l'énergie cosmique. Et ça, c'est quelque chose de très positif. Ça devrait aider les humains à s'élever spirituellement. Malheureusement, en même temps, l'être humain a une aura totalement détruite. Je ne sais toujours pas si c'est un aura ou une aura. Un aura, je pense, finalement. Je ne sais plus, c'est pas grave. Totalement détruit. Et notre ionosphère est aussi totalement détruite. Donc, le résultat de tout ça, c'est que cette vibration, eh bien, elle va de plus en plus apporter ce qu'on appelle un délire mystique. C'est-à-dire des gens qui vont s'entretuer pour n'importe quoi. Cela va provoquer des guerres, cela va provoquer des instabilités, tant comme vous avez maintenant le président américain ou le président russe, enfin, des gens qui sont à la tête de chaque gouvernement de plus en plus fous. Et cela amène l'humanité à être de plus en plus folle. Donc, il y a une montée, par exemple, du judaïsme fanatique qui est extrêmement fanatique. Je suis personnellement BDS, c'est-à-dire Broker Disinvestment Sanction. Je suis non pas contre Israël, je parle hébreu, j'ai adoré Israël, j'ai vécu en Israël, j'ai étudié la Kabbale en Israël. C'est pas pour dire que je déteste l'Israël, mais je rejette totalement le sionisme qui aujourd'hui prend le contrôle de tous les pays, tel que c'est le cas en France aujourd'hui. Vous n'avez qu'à vous référer à l'affaire Dieudonné, par exemple, et vous voyez à quel point aujourd'hui les sionistes deviennent des gens extrêmement dangereux, qui transforme les musulmans en diable. Et vous voyez ce qui arrive à Eric, comment il s'appelle? Eric Ramadan, je pense son nom, qui est finalement envoyé en prison simplement parce que bah, c'était un tueur. C'était quelqu'un qui pouvait répondre à tout le monde et d'une façon intelligente. Donc il a fallu l'éliminer. Donc on arrive dans une. La situation financière est terrible. Il faut grosso modo deux personnes qui travaillent pour payer un retraité. Or, aujourd'hui, il y a de moins en moins de personnes qui font des enfants, ce qui est normal, c'est intelligent parce que la planète est saturée. Mais en même temps, il n'y a plus personne pour payer les retraites. Au Japon, ils viennent de passer la retraite à 75 ans. Eh oui, parce que le Japon, c'est le premier pays à pas avoir d'enfants et ils n'ont personne pour payer les retraites. Donc voilà, maintenant, on travaille jusqu'à 75 ans au Japon pour équilibrer. Donc on arrive dans une situation terrestre terrible. Terrible. Si on prend l'équilibre mondial, par exemple, on utilise 1% de la superficie mondiale habitable pour vivre. Oui, seulement 1%. Malgré les villes immenses, ainsi de suite, c'est seulement 1%. Et on utilise 50% pour manger de la viande. Si tout le monde était végétarien, on utiliserait 8%. Donc, si on cumule l'endroit où l'on vit et la nourriture, on utiliserait uniquement 9%. Si on rajoute des énergies protégées, on arriverait à 10%. Aujourd'hui, on utilise 100% de la superficie terrestre pour notre médiocrité, pour la méchanceté, pour l'argent, pour le pouvoir. On court à notre totale destruction. Les résonances de Schumann qui augmentent veulent dire que s'il y a des gens qui travaillent correctement, et il n'y en a pratiquement aucun, alors les résonances de Schumann pourraient permettre à certains êtres de qualité de survivre dans les apocalypses qui vont venir, dans le chaos qui va venir. Mais pour la plupart des humains, la résonance de Schumann, ça va créer une espèce de délire mystique incontrôlé. Les gens mélangeront l'énergie mystique et l'énergie physique et l'énergie de folie, de pollution, et les gens vont s'entretuer. Et on est en train d'arriver véritablement dans l'apocalypse qui était annoncée en 2012 par les Olmecs, pas par les Mayas, mais par les Olmecs. Et la Terre va se purifier, se nettoyer par la puissance de la flamme, puisque c'est la flamme qui rentrant l'énergie solaire, qui rentrant dans notre ionosphère, augmente la vibration terrestre. Et on peut vraiment dresser un parallèle entre l'énergie terrestre qui se déstructure totalement devant une énergie cosmique de plus en plus élevée et totalement incapable d'être utilisée intelligemment, et l'aura des gens, qui est de plus en plus déstructurée. Alors elle est déstructurée par le téléphone, elle est déstructurée par Internet, elle est déstructurée par toutes les ondes. Moi je sais qu'au début, par exemple, quand on a commencé à avoir la Wi-Fi, nous on se battait toujours pour avoir des Wi-Fi uniquement en câble. Je ne voulais pas de Wi-Fi dans la maison. Aujourd'hui, vous n'avez pas le choix. La Wi-Fi, elle est partout. Elle est partout. Et toutes les autres ondes qui sont là, qui vous transpercent et qui vous polluent, ARP qui travaille dans le même système, et sans parler évidemment de le niveau babouin des êtres humains qui ne sont maintenant plus obsédés que par le sexe, que par l'argent, que par le pouvoir, que par la manipulation, que par la politique, que par le racisme, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que les Noirs, les Africains, ils sont responsables de tout, il faut tous les éliminer et les tuer et laisser mourir dans l'océan. On arrive à un niveau où on est en train de s'autodétruire. Et l'autodestruction provoquée par les extraterrestres, moi je trouve que c'est une gentille autodestruction, parce que toute personne qui veut bénéficier de l'intensité des résonances de Schumann, des vibrations, des Hertz, peut en bénéficier spirituellement. Mais pour la plupart des humains, les humains vont tomber comme des mouches. Ils vont s'écrouler, ils vont s'entretuer les uns les autres. On sera bientôt dans un monde d'apocalypse, on sera bientôt dans un monde de chaos, de destruction, sans nourriture, sans eau, sans rien. Et les gens se massacreront. Et c'est ce qu'il faut, malheureusement, pour que l'entité Gaïa survive. Parce qu'une fois que cela se sera arrivé, l'être humain disparaîtra, la ionosphère se reconstruira et on repartira sur une façon équilibrée où la vie continuera et où l'intelligence qui se redéveloppera aura une nouvelle chance. Mais là, maintenant, il est temps de tout effacer, tout recommencer. Alors, est-ce que je suis en train de vous dire que vous devriez tous vous suicider? Non, pas forcément. Par contre, je suis en train de vous dire que vous devriez apprendre tout le contraire du New Age, c'est-à-dire à être fort, à être stable, à avoir un corps physique qui a la patate, manger correctement, ne pas fumer, ne pas prendre de drogue. Il faut comprendre qu'une des choses qui déstructure l'aura le plus actuellement, c'est la drogue. Donc il y a la drogue d'onde, la Wi-Fi, Internet, et ainsi de suite, et là c'est bien difficile d'éviter ça. Mais il y a aussi et surtout les drogues chimiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas une personne un peu cool qui s'envoie en l'air avec du shit, avec de l'acide, truc machin, avec du truc bidule, le truc... Enfin bon, il y a des noms qui apparaissent tous les jours. Et aujourd'hui, il faut bien reconnaître que c'est 100% des jeunes, 100% des jeunes, ou 99% des jeunes qui jouent avec la drogue. Pour essayer ça, c'est normal, on boit de nuit, on prend ça, on prend des extasies pour s'éclater. Et la drogue est devenue une normalisation totale, une utilisation absolument normale. C'est complètement normal. Fumer du shit, prendre des drogues. Et ça, en tant que psychologue, je peux vous dire que ça a un dégât sur le cerveau qui est gigantesque. Gigantesque. J'y inclus aussi l'alcool. Là-dessus, on rajoute la viande, avec tous les antibiotiques qu'il y a déjà dans la viande, donc c'est un véritable poison, plus tous les stress de peur, de terreur, de haine, de rage des animaux qui voulaient vivre. Notre rôle, c'est de protéger les animaux, pas de les bouffer. Donc, on est en train de faire de la magie noire à tous les niveaux. Et je ne peux que encourager les gens à se tourner vers le luciférianisme, qui est de tourner un maximum sa vie vers la lumière, dans sa nutrition, dans sa vie, dans son équilibre, dans son entraînement physique, dans ses relations avec les gens, force, honneur, dignité, courage. Parce que si on n'atteint pas ça, avec l'évolution terrestre, ou devrais-je dire l'involution terrestre du moment, je pense qu'il n'y a plus beaucoup d'années d'avenir devant nous. Alors je ne vais pas vous dire qu'on est tous morts dans 3 ans, mais dans 10 ou 20 ans, c'est très très probable. Alors, 20 ans, moi je m'en fiche, hein. Je suis vieux et je serai bientôt mort, je m'en fiche. J'ai fait mon chemin, je suis avec la lumière, pour moi, ça baigne. Mais si vous m'écoutez, que vous avez 20 ans, vous aurez simplement 40 ans. Et quand je vous dis 40 ans, ça veut dire que vous êtes le dernier à mourir. Vous vivez bien pendant 20 ans, puis dans 20 ans, vous allez mourir d'un seul coup. Crise cardiaque cosmique. Non, non. La maladie se développe de plus en plus. On n'a jamais été autant malade. On n'a jamais eu autant de vaccins. On n'a jamais eu autant de pollution. Aujourd'hui, on appelle la génération des téléphones, Lookdown Generation, ça veut dire les, je sais pas comment on a traduit ça en français, les regards en bas, la nouvelle génération des visages tournés en bas, parce que les gens passent leur temps sur leur téléphone. Et l'ensemble de tout ça développe des maladies, et dans les vertèbres et dans le système nerveux, le cerveau se limite de plus en plus dans ses fonctions. Génère de moins en moins de neurones, puisque les neurones ne disparaissent pas, contrairement à ce qu'on disait, les neurones se régénèrent si on les stimule, exactement comme les muscles, exactement comme l'énergie. Nous ne sommes pas faits pour vivre simplement 60 ou 80 ans, nous pourrions vivre très très longtemps, plus de 1000 ans en fait, si l'on savait vivre en harmonie avec notre planète. Mais c'est absolument plus le cas. Parce que il y a des problèmes financiers, on ne peut pas payer la retraite, on ne peut pas affronter plein de choses, et on a décidé de continuer la destruction. Eh bien, on a donc décidé de détruire l'humanité, de la réduire en cendres. Et plus on réduit l'humanité, et plus on pourra continuer notre âge de folie en massacrant un maximum de personnes. Et malheureusement, le New Age, la philosophie d'aujourd'hui, les portables d'aujourd'hui, la lâcheté d'aujourd'hui, la télévision d'aujourd'hui, tout ceci nous emmène à cette situation horrible. Donc, vous ne pouvez pas changer le monde, mais vous pouvez vous changer vous-même. Sans vouloir faire de publicité, moi, il y a quelques personnes qui travaillent avec moi, et les personnes qui travaillent avec moi sont différentes. Beaucoup plus de concentration, beaucoup plus de capacité physique, beaucoup plus d'élévation de ce qu'on appelle le taux vibratoire, nourriture correcte, vie correcte, capacité correcte. Ce sont des gens qui sont capables de faire des compétitions et de gagner dans toutes les compétitions, que ce soit en gymnastique, en course. Ce sont des gens qui sont capables de dormir peu, si c'est nécessaire. Ce sont des gens qui mangent peu et qui ont une énergie fantastique. Ce sont des gens qui sont très éveillés. On dit witty en anglais, ça veut dire très très très éveillé, très vif, très rapide et très réactif. quand il y a quelque chose, ils vont voir, ils vont découvrir. Ce sont des gens qui ont été avec moi, qui ont été travaillés sur les crop circles. Ce sont des gens qui ont été avec moi pour faire des recherches sur telle ou telle chose, qui ont affronté telle ou telle chose. Donc, ce qui pour vous est un secret, une espèce de mystère, peut-être dans un livre, vous avez entendu dire que, eux, ce sont des choses qu'ils vivent régulièrement tous les jours. Et sans racoler pour ma secte, puisque de toute façon, tout est une secte, moi je vous dis, j'ai pas l'habitude de parler comme ça, mais moi je vous dis, rejoignez-nous. Plus nous sommes nombreux, et plus nous pouvons résister à cette dégénérescence. Plus nous pouvons faire des choses, et nous agissons socialement. Nous aidons des animaux, nous prenons position pour les tortues aquatiques, pour les dauphins, on prend position pour les chiens, pour les chats, on prend position pour les Africains qui crèvent de faim, on prend position pour les gens qui sont traités comme de la merde. Il faut se rejoindre, se motiver les uns les autres, se renforcer les uns les autres. Chez nous, nous avons le droit d'être nus. Bon, vous n'avez pas besoin d'être nu physiquement. Si vous voulez être nu physiquement, vous pouvez si vous voulez. On n'a rien contre le nudisme. Mais quand je parle de nu, ça veut dire que quand on est dans notre groupe, nous pouvons poser nos armes dehors. On les laisse à l'entrée. Parce qu'entre nous, on utilise une langue particulière qui s'appelle le Fao et qui est une langue de paix, de sérénité, rien que pour dire le mot amour, il y a une trentaine de verbes différents. Parce qu'il y a plein de façons d'aimer. Et il faut être responsable dont on parle quand on parle d'amour. Il y a un langage de paix et de sérénité. Et puis il y a une attitude de paix et de sérénité. Et puis il y a un entraînement physique Shaolin. Et puis il y a un contrôle du chi, de l'énergie, un développement de l'intuition. Si on ne se réunit pas, si on ne se renforce pas, et si on ne se bat pas, on va à la catastrophe. Et si vous ne voyez pas qu'on va à la catastrophe, eh bien que vous êtes déjà dans la catastrophe. Vous êtes déjà en bas du cône. Vous savez, le cône renversé, ou le cône simplement, oui, comme un tourbillon, c'est le symbole de la dégénérescence. C'est-à-dire qu'au début, vous avez un grand espace de compréhension, et puis plus vous descendez dans ce cône, plus ça devient petit, petit, petit, petit, et à la fin, c'est juste un point. Et ce point, c'est la situation de la plupart des humains. Ils sont contents, tout va bien, ils ont le dernier iPhone, l'ordinateur marche super bien, en plus, ils adorent la vie de leur star à la télévision, et ils ont même gagné 300€ dans un jeu il n'y a pas longtemps. Et maintenant, les cigarettes, ils peuvent les avoir... Non, il y a une nouvelle drogue qui vient de sortir, qui est encore mieux que celle d'avant, parce que maintenant, c'est une drogue comme ci ou comme ça. Et ces gens qui se retrouvent là, ben, ils sont tout en bas du cône. Donc, ils ne peuvent plus rien voir. Et si vous êtes en bas du cône et que tout va bien pour vous, je comprends parfaitement, restez où vous êtes. Soyez heureux, si je puis dire, tout en bas de votre cône. Mais si vous tournez au-dessus dans le cône et que vous avez de l'espace et que vous voulez avoir plus d'espace, que vous voulez avoir des frères, des sœurs, une invitation à vivre, à exister, à avoir le droit de vivre, d'être vrai, de s'entraider, de s'aimer, de se protéger, de s'enseigner les uns les autres, de s'entraider. Actuellement, je suis en train de fabriquer une machine qui permettra aux aveugles de voir. Ce n'est pas un détail quand même. C'est basé sur le travail d'observation des dauphins et des chauves-souris. Et je travaille là-dessus depuis des années et on est en train de produire une machine pour permettre aux gens qui sont aveugles de voir aussi précisément que voient des chauves-souris ou des dauphins avec un sonar. Donc on produit des choses, on n'est pas en train de parler de juste de théorie, on a des endroits où on peut vivre, où on est bien, on a tous un super niveau dans le tai chi, dans les arts martiaux, non pas pour se battre, mais pour être en paix avec soi-même. On n'est pas désarçonné devant des idées délirantes. On sait répondre aux gens et on sait s'opposer à l'obscur et on prend position dans le travail humanitaire pour aider, pour agir. Ça, c'est nourrir votre aura pour que votre aura soit lumineuse, pour que votre ionosphère puisse résister à tous les météorites démoniaques qui s'abattent aujourd'hui sur notre planète qui est de plus en plus faible. La planète est faible, renforcez votre aura et vous vous renforcerez avec le renforcement de la planète sur l'augmentation des résonances de Schumann, parce que votre aura rentrera en vibration avec ça. Mais si vous tombez en bas du cône, dans un point limité, et qu'en plus vous ignorez les résonances de Schumann, alors le délire sera là, la mort, la violence, la guerre. Donc, je suis désolé parce que j'ai fait beaucoup de chapitres et j'ai jamais parlé comme ça, mais je pense qu'aujourd'hui, il est temps de se réunir. Il est temps de réagir. Il est temps de pratiquer. Il est temps d'oublier l'argent parce que nous, on a une maison, par exemple, où on arrive à accueillir des gens nourris, logés pour 300 euros par mois. Je suis désolé, mais soyez réaliste. Essayez d'avoir une maison, la nourriture illimitée, végétarienne, organique, enfin bio, pour 300 euros par mois. Et en plus, on fait des activités, on pratique, on étudie les langues, on pratique les arts martiaux, on fait de la musique, et tout ce que l'on fait à l'intérieur de la musique, c'est de la maison, pardon, c'est gratuit. Le seul argent qu'on demande, c'est qu'on doit payer une partie du loyer, une partie de la nourriture, mais le fait d'être ensemble, bah, c'est clair, on fait des économies énormes, et on a plein de temps pour faire des choses merveilleuses, fantastiques. Et plus on fait, plus on est en paix, plus on a des frères et des sœurs, plus on est en sérénité, et plus c'est clair, on peut vivre des choses fantastiques et merveilleuses. C'est absolument clair. Voilà. Donc, voilà une chose que je voulais donner et que je donne aujourd'hui. Et j'espère que certaines personnes parmi vous, vous n'hésiterez pas à me contacter, parce que je vois aujourd'hui, lorsque je regarde certaines de mes conférences, j'ai 1000, 2000, 3000, 5000 personnes qui viennent écouter. C'est énorme. Mais en même temps, personne ne réagit parce que vous avez appris à rester caché de votre côté, peureux et craintif. Et la peur, la crainte, eh bien, c'est le fond du cône. C'est l'aura qui n'a plus aucune protection. C'est la lumière qui n'a plus aucune existence. Il est temps de bouger, de changer. Il est temps de changer de votre destin. Il est temps de prendre ce cadeau des extraterrestres, ce rayonnement solaire différent, comme arme pour vous, pour grandir et pour vous élargir, et pas comme poison pour éteindre une race qui doit s'éteindre parce qu'elle auto-détruit la planète. Vous pourriez faire partie des gens qui ont envie de vivre et d'exister, et de respecter la planète, de vivre discrètement et harmonieusement avec notre mère nature.